Okay. Money. Mouth. Intro. Alonso. M-A-R-S, mommy. N-A-P-S, money. Chargé. Deuxièmement. On n'a pas les mêmes propres. On n'a pas les mêmes codes. On n'a pas le même bloc. On n'a pas la même prod. On n'a pas le même Glock. On n'a pas la même drogue. On n'a pas les mêmes comptes. Qu'est-ce que tu racontes? Tu nous fais honte. On n'a pas les mêmes tels. On n'a pas les mêmes doses. Deux, trois semaines, je change mon tel en mode d'avion avec Kate Moss. Je te connais pas, tu testes toi. J'ai le flow, t'as despo. La mentale, à quelle cale, elle est bonne, même pas on la calcule. J'suis dans mes calculs. Y'a un trou en tant que cul. Il manque un centime. Frérot, tu rembourses sans tube. Alors, ça sent stupe. Ça sent stupe. Alors, ça sent cul. Le cul posé sur un gros cube. On n'a pas fait les mêmes fautes. J'ai jamais baissé mon froc. Hier, tu me parlais même pas. Aujourd'hui, presque, tu me frottes. Racaille de qualité. Arrivant détenu, m'ont validé. Arrivé d'en bas, j'vais tout niquer. Toujours la vato mentalité. J'suis dans le bloc. J'ai frite le choc. Ouais, ça écoule le stock. Ouais, je nettoie le bloc. J'suis dans un vent. Des rien qu'elle se frotte. Air de qualité. J'suis calibré. J'suis dans le bloc. J'suis dans le bloc. J'suis calibré. J'suis calibré. J'suis dans le bloc. J'suis dans le bloc. J'suis calibré. J'suis calibré. On n'a pas les mêmes armes. Elles font pas les mêmes trous. On n'a pas la même couleur de liasse, on n'a pas les mêmes sous. On n'a pas la même vie, elle a pas le même goût. Elle te dit qu'elle est vierge, vérifie son deuxième trou. Ouais, j'ai un show en Asie, ouais, j'ai un show en Afrique, ouais. Tu es posé à la lime, normal, on n'a pas les mêmes hits, ouais. Une écurie sous le capot, pas les couilles, je mange tacos. On n'a pas les mêmes potos, je suis parano, je suis dans Narcos. On n'a pas les mêmes choix de textile, pas les mêmes grossistes dans le cannabis. Elle me dit qu'elle veut baiser sans plastique. Allez, nique ta mère, ça devient classique. Pas la même bœuf, donc pas les mêmes yeux. Pas la même faim, donc pas le même creux. Pas les mêmes anciens, donc pas les mêmes jeux. Pas les mêmes affaires, donc pas les mêmes baveux. Dangereux, quand je veux, je donne le 22. Je n'écoute pas le coach, pas le 4-4-2. Pas la même répute, pas les mêmes putes. Moi je passe en télé, toi tu passes aux aveux. Ils sont bavards, ils n'ont pas de couilles. Ils sont bavards, ils vont se prendre des